Bonjour, je m'appelle Anaïs Butner, je suis diplômée ingénieure agroalimentaire depuis 2016 et je travaille actuellement en tant que chef d'équipe en production dans une entreprise laitière. Alors pourquoi je veux suivre le parcours Skill Bar Essentiel? Tout simplement parce que dans mon métier de manager actuel, en fait, je ne me retrouve pas dans le style de management directif. Moi, ce qui me plaît vraiment dans mon métier, c'est le côté humain, le fait de faire monter les gens en compétences, de les accompagner au long des formations. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'intégrer à plusieurs reprises des intérimaires dans l'entreprise et de les former à tout ce qui est règles d'hygiène et de sécurité. Et c'est vraiment cette partie qui me plaît dans mon travail. Mais ça ne correspond pas avec toutes les caractéristiques du métier de manager terrain. Donc j'ai entrepris de faire un bilan de compétences l'été dernier afin de voir un petit peu dans quel métier je pourrais plus m'épanouir. Et j'ai eu la chance de découvrir les métiers de l'ingénierie pédagogique à l'issue de mon bilan. Et donc, j'ai démissionné de mon emploi actuel. Donc là, je suis actuellement en période de préavis et je me renseigne sur tout ce qui est formation dans le milieu de l'ingénierie pédagogique. Donc, mon projet, c'est d'intégrer un master dans ce domaine à partir de la rentrée 2022. Et du coup, d'avril à septembre, je vais avoir du temps libre et j'aimerais bien mettre à profit ce temps libre pour commencer à me former dans le domaine. Et c'est là que votre formation Skill Bar intervient et je la trouve vraiment très intéressante sur ce point où elle permet d'avoir une première approche vraiment de l'ingénierie pédagogique et également par rapport à l'utilisation des outils digitaux. Parce que les outils digitaux, ça a déjà un fort intérêt pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup utiliser différents logiciels pour faire des montages vidéo, créer des mini-films, etc. Et du coup, je me reconnais vraiment dans ces métiers de l'ingénierie pédagogique, de la conception, etc. Et donc, en contactant plusieurs professionnels, dont des personnes qui ont suivi votre formation Skill Bar Essentiel, j'ai vraiment, c'est vraiment une formation qui, je pense, peut m'apporter beaucoup et qui est en cohérence avec mon projet professionnel à venir. Et du coup, par rapport à mon organisation, j'ai envie de dire, ce sera assez facile pour moi de m'impliquer à 100% dans la formation, puisque je ne travaillerai plus à partir d'avril 2022. Donc j'espère pouvoir intégrer l'un de vos parcours à partir de ces dates-là. Et j'ai d'ailleurs suivi votre webinaire hier et effectivement, vous avez confirmé qu'il y allait bien avoir des sessions à venir après février. Donc voilà, maintenant que vous en savez plus sur moi, j'espère bientôt en savoir également plus sur l'ingénierie pédagogique. Et j'espère être admise dans une de vos prochaines sessions, pardon, sur la formation Skill Bar Essentiel. Merci de votre attention.